dans un établissement dont la devise est de tout enseigner, peut-on imaginer meilleure école pour découvrir l'importance du dialogue, de la confrontation des idées, de la diversité des points de vue? Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Face à la violence, aux préjugés, au fanatisme qui malheureusement ne semble pas en voie de disparition, l'esprit de recherche n'apparaît-il pas comme l'un des espoirs du genre humain? Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels sont les apports et les limites de l'épidémiologie moderne, s'interroge le professeur Arnaud Fontanet. Quelles sont les cohortes d'un nouveau genre qui se mettent en place dans les grandes enquêtes épidémiologiques et quels sont les enjeux des big data? Quels sont les liens entre médicaments et maladies? Qu'avons-nous appris des personnes surexposées dans le milieu professionnel à des radiations ou des produits chimiques? Allons-nous vers une médecine de précision? Professeur au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut Pasteur, Arnaud Fontanet est titulaire de la chaire annuelle Santé publique au Collège de France. Il est l'un des spécialistes les plus renommés de l'épidémiologie des maladies émergentes. Le médecin qui a plongé dans l'univers de la santé publique achève aujourd'hui son histoire de l'épidémiologie en deux parties. Arnaud Fontanet a rappelé dans le cours précédent que l'épidémiologie s'appuie sur des grandes enquêtes où interviennent des cohortes de centaines de milliers d'individus suivis pendant plusieurs dizaines d'années et des méthodes d'analyse statistiques sophistiquées. L'épidémiologie va donc identifier les principaux facteurs de risque cardiovasculaire et le rôle du tabac, de l'alcool et de plusieurs expositions environnementales à l'origine de nombreux cancers. Vont en découler des recommandations sur le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète et des campagnes de lutte contre tabac et alcool notamment, contribuant ainsi largement au gain d'espérance de vie de la deuxième moitié du XXe siècle. Cela posé, Arnaud Fontanet note qu'après une période faste qu'on pourrait appeler les 30 glorieuses de l'épidémiologie de 1960 à 1990, cette discipline commence à s'essouffler. Les principaux facteurs de risque comportementaux des maladies chroniques ont été découverts et la discipline se heurte à l'exploration plus complexe des déterminants génétiques ou environnementaux. Les outils d'investigation et de mesure manquent, les effets faibles attendus sont difficiles à mettre en évidence. Par ailleurs, de nouvelles études contredisent les précédentes et laissent penser que plusieurs des résultats publiés correspondent à des associations fortuites liées à des fluctuations aléatoires d'échantillonnage, voire des biais méthodologiques inhérents à la discipline. Dans ce contexte incertain, les progrès de la génomique au début du XXIe siècle ouvrent de nouvelles perspectives. L'analyse du génome humain dans son intégralité va pouvoir être intégrée dans les modèles prédictifs des maladies. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 mars 2019 pour le cours d'Arnaud Fontanet intitulé « Histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 2 ». Je voulais vous citer une cohorte française qui a été lancée il y a quelques années par Serge Herberg et qui s'appelle Nutrinet Santé, qui est intéressante parce qu'elle a un design original, elle est basée sur Internet, c'est-à-dire que les gens... au lieu de participer physiquement à la cohorte, d'aller dans des rendez-vous, d'être interviewé, de donner des prélèvements sanguins, etc., se connectent sur Internet, acceptent ou non de participer à cette cohorte, et viennent sur Internet renseigner des questionnaires avec une périodicité qui peuvent être soit des questionnaires nutritionnels, soit des questionnaires sur leur état de santé. Et quand ils ont des événements de santé, qui sont donc autodéclarés, il y a tout un processus de vérification après leur consentement auprès de leur médecin qui les suivent, la caisse des assurances maladie, et puis un registre de décès qui est tenu par l'INSERM, qui s'appelle CEPIDC, et qui permet donc d'avoir un suivi de cette cohorte, mais qui se fait sur Internet, ce qui est quand même beaucoup moins lourd que le suivi physique des grandes cohortes américaines. Et là, vous avez dans cette cohorte plus de 100 000 personnes qui ont été recrutées, et sur 400 000 personnes années de suivi, c'est-à-dire qu'en moyenne, à peu près 4 ans de suivi par personne, 2 228 cancers déjà diagnostiqués, et des associations qui ont été montrées entre ce qu'on appelle la nourriture ultra transformée, c'est genre de nourriture packagée en lasagne, tout produit mélangé avec des conservateurs, tout ce que vous voudrez, etc., et développement de cancer. Vous l'avez ici pour tous les cancers, ici le cancer colorectal et ici le cancer du sein. Et par rapport au quartile, c'est-à-dire au quart des individus qui consomment le moins de nourriture ultra transformée, plus vous consommez de nourriture ultra transformée, plus votre risque de cancer augmente. Alors les augmentations là sont de 20% pour tous les cancers, 50% pour cancer colorectal, on n'est pas encore significatif, et cancer du sein, c'est 40%, et là c'est significatif, avec un gradient qui est plus ou moins respecté. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter une étude en cours, d'abord pour son originalité, parce qu'elle est basée sur Internet, elle est beaucoup moins coûteuse à suivre que les grandes cohortes que je vous avais présentées auparavant, et les premiers résultats qui commencent à être présentés à partir de cette cohorte. Donc, toujours pour rester dans le domaine du cancer, cette fois-ci, je vais vous présenter deux exemples de maladies infectieuses qui sont associées à des cancers. Premier virus concerné, c'est le virus de l'hépatite B, très présent en Asie, et la Chine et Taïwan avaient les prévalences les plus élevées pendant longtemps, transmis de la mère enfant en Asie, et donc des infections qui démarraient dès le plus jeune âge et qui aboutissaient à des cirrhoses et des cancers du foie. Et cette étude qui a été faite à Taïwan a été la première dans le Lancet en 1981, a montré une association. Alors, c'est une cohorte de 23 000 sujets qui étaient des hommes âgés de 40 à 59 ans et qui étaient employés du gouvernement, ce qui facilitait leur suivi. Et assez rapidement, finalement, en 4-5 ans, ils ont réussi à documenter chez les sujets qui étaient infectés par le virus de l'hépatite B, c'est ce que vous avez ici, antigène HBs positif, un certain nombre de cancers du foie et de cirrhose, alors que chez les sujets négatifs, il n'y en avait quasiment pas. L'augmentation du risque était plus de 200 fois chez les sujets qui étaient infectés par le virus de l'hépatite B. C'était la première étude qui a vraiment montré que le virus de l'hépatite B était associé au cancer du foie. Et Taïwan a été un des pays pionniers dans l'introduction du vaccin de l'hépatite B, au point qu'aujourd'hui, dans les générations les plus jeunes, ils n'ont quasiment plus d'hépatite B. Donc une action en santé publique qui a suivi derrière extrêmement efficace et qui leur a permis de contrôler un véritable fléau qui était celui de l'hépatite B et des cancers du foie. Et dans la série virus et cancer, je trouvais important de vous parler du papillomavirus et du cancer du col utérin, ce qu'on appelle HPV, un Human Papilloma Virus, de façon résumée, et qui est donc un virus qui peut être à l'origine de cancer du col chez les jeunes femmes. Et ici, la première étude cas témoin d'ampleur qui a permis de montrer l'association entre deux sous-types du HPV, 16 et 18, avec les cancers du col utérin. Les cas, c'était des cancers du col utérin. Les témoins, ici, c'était des gens qui étaient dans le même hôpital ou en population générale, à parier sur l'âge et qui n'avaient pas de cancer du col. Et une proportion plus importante chez les cas de sujets qui avaient des réponses positives aux tests d'ADN sur le Human Papilloma Virus. Et là encore, aujourd'hui, un vaccin qui existe, qui marche très bien, et qui a un peu de peine en France par rapport à d'autres pays voisins en Europe à s'implanter, alors qu'il protège contre un cancer des jeunes femmes. J'ai emprunté à Catherine Hill, qui a contribué à ce rapport sur le Centre international de recherche sur le cancer, cette diapositive, qui vous montre d'abord chez les hommes, et vous aurez la même diapositive chez les femmes, et qui, en 2015, essayait d'estimer les cancers attribuables à différentes causes à partir d'un ensemble d'études épidémiologiques. Donc c'est une compilation très importante que vous trouverez sur Internet, téléchargeable, le rapport du CIRC pour la France, et qui vous montre parmi l'ensemble des cancers. Donc en France, il y a à peu près 346 000 nouveaux cancers qui étaient diagnostiqués en 2015, et 40% d'entre eux sont liés à des causes qui sont évitables et que vous avez ici listées. Pour les hommes, bon, le tabac joue un rôle très important, on l'a déjà mentionné, l'alcool. Alors, dans l'alimentation, c'est des recommandations que vous connaissez. Il est important de manger des fruits et des légumes. Si vous en mangez moins, vous êtes à risque de cancer. On a vu le risque associé à la viande rouge. La viande transformée, on en a parlé aussi, les fibres, etc. Donc, vous avez ici différents types de cancers attribués à l'alimentation. Les expositions professionnelles, je vous en donnerai des exemples dans la suite de cette présentation. L'obésité et le surpoids qui sont associés au cancer. Les infections, on les a déjà discutées avec les virus des hépatites B ou C, le papillomavirus. Helicobacter pylori était responsable des cancers de l'estomac. Il est en très grande décroissance aujourd'hui pour plusieurs raisons, traitement antibiotique, mais également amélioration de l'hygiène. Et puis sinon, radiation ionisante, pollution de l'air, etc. Alors, après, ces chiffres vont peut-être être remaniés parce que vous avez probablement vu les publications récentes sur l'impact de la pollution atmosphérique, mais je vous en montrerai des exemples. Enfin bref, c'est des ordres de grandeur qu'il est intéressant d'avoir en tête. Et vous avez ici la même diapositive pour les femmes, avec un nombre moins important de cancers et une répartition où tabac, alcool sont aussi en tête. Sachant que le tabac chez la femme est aujourd'hui un vrai sujet parce qu'autant il y a une diminution lente du tabagisme chez les hommes, autant chez les femmes, malheureusement, il est toujours stable et on commence à avoir de plus en plus de cancers du poumon. Et puis vous avez ici les autres causes, alimentation, infection et les hormones sur lesquelles je vais revenir. Voilà d'ailleurs une diapositive qui vous montre pour la France les taux de mortalité par cancer sur une période de 1950 à 2010, avec sur la gauche les hommes et sur la droite les femmes. Alors, on parle de taux de mortalité. Alors, les taux, c'est important parce que, puisque c'est un taux, ça prend en compte l'accroissement démographique. La population française a beaucoup augmenté entre 1950 et 2010, c'est important à prendre en compte. Deux, c'est des taux qui sont standardisés sur l'âge, donc qui prennent en compte aussi le vieillissement de la population. Les cancers sont plus fréquents chez les personnes âgées, donc il est important de prendre en compte le vieillissement de la population. Et trois, on parle de taux de mortalité. Alors, une décroissance, par exemple, elle va être due soit à une diminution des facteurs de risque, soit à une amélioration des soins. Et ça, c'est difficile de faire la part entre les deux. Il aurait été intéressant de vous montrer les taux d'incidence si vous voulez savoir si le risque de cancer à un âge donné augmente ou pas pour chaque type de cancer. Mais ces deux incidences sont plus difficiles à obtenir que les taux de mortalité et quelquefois sont influencés par le dépistage. Quand on dépiste mieux, par exemple pour le cancer du sein ou le cancer de la prostate, on a une augmentation du nombre de cancers qu'il faut savoir relativiser. Maintenant, sur ces chiffres-là, chez les hommes, ce qu'on peut observer, c'est une baisse du cancer du poumon, qui est un cancer difficile à traiter, donc on peut vraiment attribuer cette baisse à la diminution du tabagisme chez les hommes. Une baisse spectaculaire des cancers bouche, pharynx, larynx et œsophage, c'est lié à l'alcool. Et vous voyez quand même qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits depuis les années 80. Le cancer de l'estomac que je vous citais tout à l'heure, qui aussi, lui, est dû à une bactérie, Helicobacter pylori. Et cette bactérie, grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène, diminue en prévalence. Et puis les antibiotiques aussi ont pu aider à son, je dirais pas éradication, mais son élimination. Et pour les autres cancers, vous voyez qu'on est dans des zones à peu près stables, avec une augmentation des cancers du foie dû aux hépatites virales, mais c'est en baisse. Et maintenant, on traite les hépatites virales B et C, et donc on peut s'attendre à ce que ça continue à baisser. Il y a des cancers qu'on ne voit pas ici qui sont en augmentation. Ils sont pas très nombreux, c'est le mélanome cutané, dû aux expositions solaires passées. Lui, c'est un cancer qui augmente. Les cancers de la thyroïde augmentent. Heureusement, se traite très bien. Cancer du testicule augmente aussi, relativement rare, mais il augmente. Et ça, on comprend pas très bien pourquoi. Chez les femmes, c'est important d'avoir l'idée des échelles. Donc, vous voyez que il y a moins de cancers chez les femmes. Le cancer du sein est à peu près stable, se traite de mieux en mieux. Et c'est en partie une des raisons de la baisse. Je pourrais pas du tout préjuger de l'incidence du cancer du sein. Colon, rectum, il y a une amélioration. Celui qui nous inquiète, c'est le cancer du poumon, qui est dû au fait que la lutte contre le tabagisme chez les femmes, eh bien, elle piétine un peu et qu'il faudrait obtenir une baisse du tabagisme si on voulait vraiment avoir une action sur le cancer du poumon. Alors, d'autres sujets que j'ai sélectionnés pour cette présentation, je vous parle un petit peu de la mort subite du nourrisson. Peut-être qu'heureusement, vous vous en souvenez plus trop. Mais dans la fin des années 80, c'était un vrai sujet, la mort subite du nourrisson. C'était plutôt des petits garçons, entre 2 et 4 mois, en pleine santé, couché le soir et qui le matin était mort. Et c'était absolument tragique, comme vous l'imaginez. Et ça, finalement, les études cas témoins, elles ont très bien marché parce que c'était une question très simple de demander aux parents dans quelle position vous couchez votre enfant. Est-ce que c'était en position ventrale, sur le côté, en position dorsale? Et très vite, il est apparu dans les études cas témoins, et vous en avez ici de mémoire, je crois qu'il y en a 19, que de coucher les enfants en position ventrale augmentait le risque de mort subite du nourrisson, avec des augmentations, vous voyez, des ordres ratios de 8 à 12, extrêmement importants. Donc là, on a eu vraiment des études cas témoins très vite la réponse à cette question. Et depuis, on couche les enfants en position dorsale, comme vous le voyez sur cette photo. Et en France, dans le début des années 90, en 5 ans, le nombre de morts subites du nourrisson a été diminué de 70%. Donc ça a été extrêmement spectaculaire comme résultat. Dans la mort subite, mais cette fois-ci chez l'adulte, je voulais citer les travaux d'une équipe française, Pierre du Cimetière et puis Xavier Jouven, qui ont fait une cohorte de grande ampleur, puisqu'elle a démarré en 1967, avec 5700 fonctionnaires, qui étaient âgés de 42 à 53 ans, qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire détectable. Et ils se sont intéressés aux paramètres physiologiques de ces jeunes hommes de 42 à 53 ans en 1967 à 72, et leur risque de mort subite à distance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un infarctus du myocarde, vous avez un nombre important de sujets, je me souviens plus de mémoire, mais je sais qu'en 2005, ça faisait 40 000 personnes par an en France, qui vont décéder rapidement d'un infarctus du myocarde. Souvent, c'est des infarctus qui sont pas très douloureux, mais qui s'accompagnent de troubles du rythme cardiaque, notamment des fibrillations ventriculaires, et qui vont décéder dans les minutes qui suivent le démarrage, le début de l'infarctus du myocarde. Et puis il y a ceux qui passent la première heure. Donc ce premier groupe, c'est ceux-là qu'on rentre dans les morts subites par infarctus du myocarde. Puis vous avez les sujets qui souvent ont les formes les plus douloureuses, qui vont passer la première heure, qui vont atteindre le service de réanimation et qui pourront être heureusement sauvés. Et donc cette équipe s'intéressait à ces morts subites, importants quand même, 40 000 décès par an en France en 2005. Et ce qu'ils ont montré, c'est que par rapport à des paramètres physiologiques de base, hein, qui étaient mesurés donc, dans les fins des années 60, et un suivi de 23 ans et 80 morts subites recensées, eh bien, les sujets qui avaient la fréquence cardiaque la plus basse au moment de l'enregistrement en début d'étude étaient ceux qui avaient le moins de risque de mort subite dans les suites immédiates d'un infarctus. Et plus votre fréquence cardiaque de repos est élevée, plus votre risque, avec des risques relatifs ici d'à peu près 3,5, votre risque d'une mort subite en cas d'infarctus du myocarde était élevé. Donc ça a à voir avec les systèmes de régulation de la vitesse, de ce qu'on appelle le système neurovégétatif, hein, notamment du rythme cardiaque. Alors ils ont montré aussi, et c'est ce que vous voyez dans les épreuves d'effort, hein, quand on vous fait pédaler pour l'épreuve d'effort, si vous êtes capable d'augmenter rapidement votre fréquence cardiaque à l'effort, c'est bon signe. Et si, à l'arrêt de l'effort, votre fréquence cardiaque redescend rapidement, c'est bon signe aussi. Donc, quand votre cardiologue hoche la tête en disant c'est bien, quand vous avez pédalé, vous avez l'impression d'être au bord de la rupture, sur quoi il se base, c'était votre fréquence cardiaque de départ, le fait que vous avez monté rapidement votre fréquence cardiaque et qu'elle est descendue rapidement. Et ces trois critères, ils sortent de cette étude qui avait été publiée en 2005 dans le New England Journal of Medicine. Maintenant, je vais vous parler d'autres sujets qui sont intéressant sur médicaments et maladies, et notamment l'affaire du distilbène, finalement, et l'adénocarcinome du vagin. Alors, le cancer du vagin, c'est rare, plutôt chez des femmes de plus de 50 ans. Et entre 1966 et 69, au Vincent Memorial Hospital à Boston, des gynécologues avaient observé 7 cancers chez des jeunes filles de 15 à 22 ans. Et ça, c'était très inhabituel pour eux. Ils ont rajouté un 8e cas qui leur a été envoyé par un confrère de Boston. Et avec simplement 8 cas, et une série de témoins qui étaient au nombre de 4 par cas et qui étaient nés dans les 5 jours autour de la date de naissance des cas dans le même type de maternité que les cas, ils ont réussi à montrer, et c'est cette colonne qui est importante, ici vous avez les cas, que la mère, pendant la grossesse, avait pris du distilbène, qui est un œstrogène qu'on donnait pour prévenir les fausses couches. Et c'était vrai pour 7 sur 8, alors que pour les contrôles, qui étaient 4 contrôles par cas, vous n'aviez en aucun cas une prise de distilbène par la mère. Et donc ce papier a suffi à montrer le rôle du distilbène dans les adénocarcinomes du vagin de leur fille, donc 20 ans plus tard. Et les générations suivantes sont suivies aujourd'hui. Il y a toujours un sujet autour des conséquences à très long terme de la prise de distilbène par la mère des générations plus tôt. Donc voilà une étude vraiment basée sur très peu de cas, mais qui a vraiment réussi à démontrer le rôle du distilbène dans les adénocarcinomes du vagin. Autre exemple que vous connaissez tous, hein, qui est celui du benfluorex, hein, le médiator et les valvulopathies mitrales. Donc là, c'est le tableau qui est sorti de l'étude d'Irène Frachon qui était publiée dans PLOS ONE en 2010. Une étude cas témoin avec 27 patients qui avaient des atteintes de la valve mitrale inexpliquées. Les contrôles qu'elle a choisis étaient au nombre de 2 par cas et c'était des gens qui avaient des atteintes de la valve mitrale, mais cette fois-ci expliquées, des causes connues qui étaient appariées sur l'âge, le service et la date. Et dans l'encadré que je vous ai mis ici, on voit qu'il y avait une utilisation du médiator qui était plus importante chez les cas par rapport aux témoins. Donc là aussi, une étude cas témoin qui a montré le risque associé à la prise du benfluorex par rapport aux valvulopathies mitrales. Maintenant, on va bouger un petit peu dans la pathologie infectieuse. Bon, je suis désolé du côté un peu désorganisé de cette présentation. On effleure beaucoup de sujets, mais je trouvé intéressant de vous montrer dans des domaines variés comment l'épidémiologie a apporté des réponses. Là, on repart sur le début de l'épidémie de sida. On est aux États-Unis, à New York. Les dates de l'étude, c'est 79-81. Les premiers entrefilets dans le MMWR, qui est le journal du CDC d'Atlanta, date de 81. La première fois où on décrit à Los Angeles des pneumocystoses qui seraient associées au sida, ou des Kaposi à New York, mais ici, on est dans le groupe de New York qui avait noté chez des patients homosexuels entre 79 et 81 l'apparition de sarcomes de Kaposi, hein, ces tumeurs qui sont liées à un virus herpès HHV8. Et donc, ils se demandaient quelle pouvait être la cause chez ces jeunes hommes qui étaient jusqu'à présent en parfaite santé, avaient tous comme caractéristique d'être homosexuels et de développer ce type de tumeur. Et ils ont recruté pour ces sujets 2 témoins par cas, qui était également homosexuel, qui était ajusté sur le groupe ethnique et l'âge. et tous recrutés chez le même médecin, qui est peut-être quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui, on aurait aimé un recrutement plus représentatif, mais voilà, pour des questions de ce qu'on appelle convenience en anglais, facilité, ils ont recruté tous leurs sujets témoins chez le même médecin, et ils se sont intéressés aux pratiques de ces personnes atteintes de Kaposi et qu'ils ont comparé avec leur groupe témoin. Et dans les pratiques qu'ils ont étudiées, il y avait les pratiques sexuelles qui sont ressorties comme un facteur de risque. Selon le nombre de partenaires que vous aviez, il y a effectivement une augmentation du risque d'être atteint de sarcome de Kaposi. Mais il y a eu, et c'est pour ça que je vous présente cette étude, parce que quelquefois dans le début des études épidémiologiques, on a des hésitations et des errements, la consommation de nitrite d'amyle, qui était un stimulant qu'on connaît aussi sous le nom des poppers, qui était utilisé dans cette même communauté, a été associé avec une augmentation de risque très importante à la présence de sarcome de Kaposi. Et c'est vrai que ça, c'était dans un modèle multivarié, hein, puisqu'ils disent multiple logistic analysis, donc il prend en compte les effets de confusion possibles entre ces deux variables. Et ça a été effectivement l'objet, au début de l'épidémie de sida, de discussions sur... est-ce que ce n'est pas les produits chimiques contenus dans les nitrites d'amyle qui pourraient être éventuellement associés avec le sida, ou est-ce que ça ne serait pas un facteur aggravant, hein, qui, dans un contexte particulier, peut-être d'une infection virale encore inconnue, déclencherait votre sida. Donc le rôle des poppers a été débattu pendant 1 à 2 ans dans la littérature scientifique et puis a été écarté depuis. C'était un facteur de confusion qui était associé avec le nombre de partenaires sexuels. Alors, dans les études marquantes sur le sida récentes, je vais prendre 2 essais randomisés pour vous dire qu'on arrive quand même à faire des essais randomisés et qui sont très convaincants et qui ont un impact important. Il y a eu, en 2011, une étude de Cohen qui montre que le fait de traiter les gens tôt dans leur infection par le virus du sida va non seulement ralentir et même leur éviter la progression vers le sida, mais va également diminuer le risque de transmission à leurs partenaires sexuels. Et c'est important parce que, très simplement, en les traitant, vous diminuez leur charge virale, et quand vous n'avez plus la concentration de virus dans le sang ou dans le sperme a beaucoup diminué, eh bien, le risque de transmission sexuelle devient très faible. Donc vous protégez les individus par rapport à l'évolution de la maladie, mais vous les empêchez de transmettre également le virus. Et cette étude qui a été un grand essai mené sur 9 pays, qui a recruté 1763, alors c'est ce qu'on appelle des couples discordants, il y en a un qui est infecté par le VIH et l'autre ne l'est pas, avec un tirage au sort, décidait de, on vous met sur le traitement VIH tout de suite, même si vous n'aviez pas une indication médicale à être traité. À cette époque, on attendait encore avant de traiter que vous soyez plus avancé dans l'histoire de la maladie. On vous met tout de suite sous traitement ou on vous mettra de façon différée sous traitement. C'était l'objet de la randomisation, c'est ce que vous avez ici. Et ce qu'ils ont observé dans le suivi, c'est qu'il y a eu 28 transmissions au sein de ces couples discordants. Donc la personne infectée va infecter son partenaire. Mais 27 fois, c'était dans le bras pour lequel la mise sous traitement avait été différée. Et donc ça montrait que de traiter immédiatement, non seulement vous protège contre l'évolution de la maladie, mais également vous évite de transmettre le virus à votre partenaire sexuel. Et cette étude donc avait des résultats tout à fait spectaculaires que vous voyez ici sur la courbe de survie, au point que ce qu'on appelle le DSMB, c'est le Data Safety and Monitoring Board, a décidé d'interrompre l'essai. Alors quand je vous raconte ces essais randomisés, vous vous dites toujours le tirage au sort par rapport aux individus qui sont inclus dans cette étude, est-ce qu'on ne va pas pénaliser un groupe par rapport à l'autre sur le tirage au sort ? Déjà, quand on décide d'un essai randomisé, au départ, on doit avoir la conviction intime qu'il n'y a pas d'avantage à être dans un groupe ou dans un autre. A posteriori, ça paraît évident, mais avec l'état des connaissances en 2011, ce n'était pas du tout connu. Donc, il y avait suffisamment d'incertitudes sur le sujet pour qu'un tirage au sort soit justifié. En revanche, on met un mécanisme de contrôle au sein même de votre essai randomisé, qui est le Data Safety and Monitoring Board, qui va recevoir les données à intervalles réguliers de votre essai, les analyser. Et si ce Data Safety and Monitoring Board se rend compte qu'il y a un groupe qui est pénalisé, soit parce que l'intervention est très efficace et qu'il n'en a pas été, parce qu'il a été tiré au sort dans le mauvais bras et il n'en bénéficie pas, soit parce qu'il peut y avoir des effets indésirables, hein, c'est ce qui peut se passer dans des essais de traitement, etc., le DSMB peut décider d'arrêter l'essai. Et ici, il y avait un résultat tellement spectaculaire en faveur du traitement précoce dans la diminution du risque de transmission, que le DSMB a dit arrêtez l'essai et mettez tout le monde sous traitement précoce. On ne peut pas continuer alors qu'on a maintenant la preuve que l'intervention est très efficace. L'autre essai que je voulais vous montrer dans la transmission homosexuelle du VIH cette fois-ci, qui était la prise d'un traitement tenofovir entre Tabine, pardon, FTC, avant et après un acte sexuel permettrait ou non de protéger contre le risque de transmission. Donc là, il y a eu un essai randomisé qui a été fait, où un groupe, ils étaient presque 200, avant et après un acte sexuel, pouvaient prendre TNF et FTC, et puis il y avait un groupe de 200 qui prenait un placebo. Alors, bon, les deux groupes, bien sûr, on les conseille sur les méthodes de prévention, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand vous participez à ce type d'essai, mais rapidement, au cours de l'essai, ils se sont rendus compte que la prise simultanée donc, de TDF et FTC avait un effet protecteur contre la transmission du VIH. Et là encore, le DSMB a décidé d'arrêter l'essai et de faire bénéficier tout le monde de l'intervention puisqu'elle était si efficace. Hein. Donc voilà, sachez que dans ces essais, il y a des mécanismes en place pour les arrêter si on se rend compte que l'intervention soit extrêmement bénéfique et on ne veut pas en priver l'autre groupe, soit au contraire délétère si vous avez notamment des effets indésirables d'un traitement ou d'un vaccin. Alors, pour terminer sur ce premier panorama, je vais vous dire un mot sur le syndrome de choc toxique et les tampons hygiéniques aux États-Unis. Là encore, c'est des médecins qui sont un peu ce qu'on appelle « astute clinician » dans notre jargon, hein, qui ont l'œil hein, et qui voient arriver des séries de cas un peu improbables, un peu la même chose que ces cancers du vagin tout à l'heure chez des femmes jeunes, qui là aussi ont été alertés entre 79 et 80. Ils étaient à Madison, dans le Wisconsin, et ils ont vu cette femme qui arrivait avec un syndrome de choc toxique, hein, donc c'est un choc septique, un effondrement de la tension vasculaire et un état potentiellement mortel, qui coïncidait avec le début de leurs règles. Et qui était hospitalisé à l'hôpital de Madison. Et donc là, ils ont eu l'idée, devant ce phénomène tout à fait nouveau, d'écrire à leurs confrères et de leur dire « Si vous avez été témoin de cas similaires, etc., pouvez-vous nous les adresser ?» Et on voudrait essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez ces femmes qui, en début de la période des règles, développent ces syndromes de choc toxique. Ils ont obtenu 35 cas assez rapidement. Ils ont utilisé dans cette étude 4 témoins, 3 témoins par cas, à parier sur l'âge. Et ils ont trouvé qu'il y avait une utilisation plus fréquente de tampons hygiéniques chez les femmes qui faisaient ces syndromes de choc toxique. Depuis, on s'est rendu compte que c'était des tampons ultra-absorbants qui étaient utilisés un petit peu trop longtemps et développant d'infection à staphylocoque avec un risque donc de choc septicémique. Et ça, c'est là aussi une étude qu'à témoin, partie de quelques observations de médecins qui ont le réflexe de dire « ça, c'est pas normal ». On réunit des cas avec des collègues, on met une série de témoins et on essaie de comprendre qu'est-ce qui différenciait les personnes qui ont été malades et les autres. Le Collège de France et France Culture vous présente le professeur Arnaud Fontanet, titulaire de la chaire annuelle Santé publique. Aujourd'hui, Histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 2. On arrive maintenant à une petite page que je vais un petit peu raccourcir parce que je pense que les aspects méthodologiques, vous avez un petit peu souffert au début. Mettre l'accent sur quelques questionnements de l'épidémiologie et puis ensuite revenir sur deux, trois exemples plus récents et notamment dans le domaine de l'environnement et de la santé. Alors, le doute en épidémiologie, il y a eu la période florissante de ces grandes cohortes. La cohorte des infirmières en était un exemple. Où ils ont donc 300 000 femmes, enfin 250 000 femmes suivies depuis 40 ans. On a tous les questionnaires alimentaires, on a les questionnaires sur contraception, etc. Et on commence à croiser toutes les données et on obtient des résultats toutes les semaines différents sur attention, vous avez mangé ceci, tel risque augmenté telle maladie, vous avez mangé cela, au contraire ça vous protège, etc. Et puis vous aviez des cohortes comme ça un peu partout dans le monde. Et quand vous commenciez à comparer les résultats d'une cohorte à l'autre, vous vous rendiez compte que ces résultats étaient quelquefois contradictoires. Et celui qui a le mieux mis en évidence avec beaucoup d'humour, parfois de l'ironie, ces contradictions, c'était Peter Skrabanek, qui était un professeur du Trinity College à Dublin et qui a écrit un livre, notamment « The Poverty of Epidemiology », qui était, il y a des articles que vous pouvez lire et qui sont amusants. et où vraiment il se moque un peu des épidémiologistes en disant voilà, vous avez grandes études de cohorte, vous croisez tout ce que vous avez comme données, vous publiez vos résultats, mais on apprend chaque semaine qu'il faut manger ceci, arrêter de manger cela, faire de l'exercice, arrêter, prendre machin, etc. Donc dans les exemples qu'il citait, il y avait l'effet protecteur des tomates contre le cancer du col de l'utérus. Et l'augmentation du risque de fausse couche chez les femmes enceintes qui fument, mais seulement si elles ont des nausées. Donc il y a toute une série d'exemples comme ça qui donnent et qui montraient bien que voilà, quelque chose qui n'allait pas. Et il avait inventé le terme pour les épidémiologistes, il les appelait des « risk factorologists hein, », c'est des fabricants de facteurs de risque finalement. Donc ce que lui avait finalement bien compris et mettait en évidence ici, et donc ça avait été repris aussi dans des articles de International Journal of Epidemiology pour ceux d'entre vous qui veulent regarder sur des résultats contradictoires d'études cas témoins. Mais c'est plus Ioannidis, qui est donc un statisticien qui est aujourd'hui à Stanford, qui a fait un papier en 2005 pour dire, voilà, ce que vous observez dans ces études et qui est vraiment à l'origine de toutes ces confusions. Donc le titre de son papier, c'est « Why most published research findings are false » dans PLOSMED, qui est une grosse revue, ça fait un peu mal de dire ça. C'est les épidémiologistes, mais c'est aussi toute la recherche biomédicale. Et ce qui mettait en cause, c'était le fait de faire tous ces tests statistiques en croisant toutes les données de ces très grandes bases de données, sans aucune hypothèse biologique a priori. Hein. Rappelez-vous les critères de Austin Bradford Hill, de la plausibilité biologique qui doit accompagner votre recherche épidémiologique. Donc ces gens qui se retrouvaient avec des bases de données gigantesques croisent toutes les données et puis publient toutes les associations. Et ce qui est intéressant dans le titre de son article, c'est aussi le « published hein, », parce qu'il y a un rôle délétère des éditeurs de journaux qui ne vont publier que les résultats que vous allez leur envoyer qui sont statistiquement significatifs. Donc plus vous croisez des tests, plus vous avez des chances d'obtenir des résultats significatifs du fait de fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Rappelez-vous ce qu'on a raconté sur la valeur P, hein, dans 5% des cas, en absence d'association, vous avez un résultat statistiquement significatif si vous mettez votre seuil à 5%. Donc, mais quand vous faites 100 tests dans votre papier parce que vous avez 100 questions dans votre questionnaire nutritionnel, bah vous en aurez peut-être 5 qui vont être statistiquement significatifs simplement du fait de la chance, alors qu'il n'y avait aucune association au départ. Hein, si on part du principe qu'il n'y avait pas d'association dans la base de données que vous étudiez. Donc vous vous accrochez à vos résultats statistiquement significatifs, vous vous dites « ça y est, je peux dire que ce n'est pas une fluctuation d'échantillonnage, j'envoie à l'éditeur, l'éditeur se dit « c'est significatif, je publie », et c'est ainsi que ce processus non vertueux amène beaucoup de publications scientifiques avec des résultats qui ont peu de sens à la fin. Alors, ce que je vous disais là, hein, en absence d'association, sur 20 couples exposition maladie testée, en moyenne, vous aurez un test statistiquement significatif, hein, c'est ce fameux seuil de 5% qui a été fixé pour prendre en compte les fluctuations aléatoires d'échantillonnage. Et ces faux positifs de vos études, ils peuvent être majoritaires si vous commencez à croiser des données très largement dans vos études sans aucune hypothèse biologique préalable et simplement parce que vous avez un questionnaire avec 100 items mesurés, 5 maladies, je croise tout et je regarde bien ce qui ressort. Alors, le phénomène en plus est amplifié, comme je disais, par les journaux médicaux qui publient référencement les résultats significatifs. Je vais vous faire une petite démonstration, j'espère qu'elle ne sera pas trop laborieuse, mais juste pour vous montrer un petit peu comment les choses peuvent se passer. Imaginez que vous faites une étude, donc on a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, c'est l'absence d'association entre exposition et maladie. L'hypothèse alternative, c'est qu'il existe une association. Et les résultats de votre test statistique, valeur P inférieure à 0.005, on dit que le résultat est statistiquement significatif, supérieur à 0.005, on ne peut pas écarter l'hypothèse nulle. Donc, on a finalement un risque alpha qui est celui qu'on accepte sous l'hypothèse nulle de dire que c'est significatif alors que ça ne l'est pas. Il y a le risque bêta qui est, alors qu'il existe une association, bah vous n'êtes pas en mesure de la montrer, vous n'avez pas assez de puissance statistique pour la montrer. En revanche, votre puissance détermine votre capacité à démontrer des résultats significatifs quand il y a une vraie association. Et là, vous avez des frais négatifs. Où est-ce que ça m'amène tout ça ? Imaginez que vous faites une étude, vous avez un questionnaire avec 150 items, par exemple un questionnaire nutritionnel. Donc, je vais interroger les gens sur 150 items de leur consommation de nourriture chaque jour, entre les yaourts, les laitages, les légumes, les fruits, la viande, etc. Vous pouvez imaginer 150 items. Et dans les associations que vous allez tester, il y en a 10 qui sont réelles, qui correspondent à des vraies associations. Ça, vous ne le savez pas au départ, mais sur les 150 associations que vous allez regarder entre nutrition et un cancer, par exemple, il y en a 10 qui sont réelles, ça peut être viande rouge et cancer du côlon, comme on l'a vu. Et puis, il y a 140 tests que vous allez faire qui correspondent à des associations qui n'existent pas. Il n'y a pas d'association, en fait, réellement. Et vous, parce que vous avez fixé votre risque alpha à 5%, dans 140 cas où il n'y a pas d'association, dans 5% des cas, c'est-à-dire 7 fois, vous allez trouver une association qui est significative, votre P va être inférieur à 0,05, alors qu'il n'y a pas d'association. Votre puissance statistique, on la fixe typiquement à 80%, et donc ça veut dire que quand vous avez 10 vraies associations dans votre base de données, 8 fois sur 10, vous aurez la puissance statistique de la documenter. Hein. Donc vous aurez un résultat significatif 8 fois sur 10 quand vous aviez une vraie association. Vous pouvez compléter le tableau. Qu'est-ce que vous observez ? Vous, en tant qu'investigateur, vous ne savez pas où sont les vraies associations et où il n'y a pas d'association. Ça, c'est ce qui vous échappe. Ce que vous, vous observez, c'est tous les tests que vous avez faits. Vous en avez fait 150. Et puis, vous allez en avoir 15 qui vont être statistiquement significatifs et 135 qui ne le sont pas. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est vos résultats significatifs. Et dans l'exemple que je viens de vous donner ici, quand vous avez un test statistiquement significatif, vous dites qu'il y a une vraie association, en fait, seulement 8 fois sur 15, donc à peu près 50% des cas, ça correspondait à une vraie association. Et la moitié des résultats que vous aviez statistiquement significatifs, en fait, ne correspondaient pas à une vraie association. Donc c'est tout ça le problème de ces tests multiples, quand vous croisez tout. Les résultats significatifs, la seule porte d'entrée que vous avez, vous, c'est « est-ce que je suis significatif ou pas ?» Et bien, dans ce cas de figure, vous avez, dans la moitié des cas seulement, vous étiez réellement significatif. Et plus vous mettez des fausses, vous allez faire des tests, plus vous augmenterez des situations où il n'y a pas d'association, plus ce chiffre-là va augmenter, et plus ce qu'on appelle votre valeur prédictive positive d'un résultat significatif va diminuer. Donc plus vous faites des tests à l'aveugle et vous croisez, plus vous allez sortir des associations que vous, vous voyez comme statistiquement significatives alors qu'elles ne le sont pas. Pour terminer sur ce chapitre, un papier intéressant qui a été fait dans la suite de celui qu'avait fait Ioannidis, qui montre que quand vous répétez des études, eh bien la valeur prédictive des résultats que vous avez qui sont statistiquement significatifs va augmenter. Donc, dans un cas de figure où vous testeriez à peu près, on va dire que dans votre test que vous faites, il y a à peu près une sur 26, en fait, des hypothèses que vous testez qui est une vraie association. Si vous faites 10 études et si vous en avez une de positive, la valeur prédictive positive de votre résultat est de 10%. Mais si sur vos 10 études, il y en a 2 qui vous sortent un résultat statistiquement significatif, la valeur prédictive de ce résultat devient supérieure à 30%. Et si vous en faites 3, vous atteignez 80%. Donc quand on dit qu'il est intéressant de répéter les études, c'est d'une part intéressant parce que ça vous donne 3 investigateurs, 3 contextes différents qui retrouvent les mêmes résultats et les probabilités de bien répéter de la même façon dans les 3 contextes sont quand même plus faibles. Mais aussi, si 3 études sur 10 vont vous donner un résultat statistiquement significatif, la valeur prédictive positive que ce résultat corresponde à une vraie association est bien meilleure. Et donc ça, c'était quand même intéressant. Alors pour en finir avec ces histoires de valeur P, etc., dans les solutions proposées, on demande de mieux spécifier les hypothèses que vous allez tester. On va ajuster ce seuil que l'on utilise pour dire que c'est significatif ou pas, qui était de 5% au nombre de tests que vous allez faire. Pour vous dire, dans la génomique, où ils font des millions de tests, le seuil a été baissé à 5 fois 10 puissance moins 8. Bon, ce n'est qu'à extrême, mais c'est simplement pour dire qu'on peut prendre en compte le seuil qu'on utilise pour dire que vous êtes significatif. Importance de prendre en compte l'amplitude de l'effet retrouvé, son intervalle de confiance. Encourager les éditeurs à publier des résultats qui sont dits négatifs quand les études ont une bonne puissance. C'est important qu'on ne vous dise pas simplement quand ça ne va pas, mais qu'on vous dise aussi quand ça va bien. Quand vous avez un résultat qui montre qu'il n'y a aucun effet, si l'étude est de qualité avec une taille, une puissance statistique suffisante pour montrer des effets faibles, publiez cette étude parce que vous pourrez dire il n'y a pas de risque associé avec telle exposition dans une certaine limite. Et puis, répétez les études. Et la semaine dernière, dans Nature, un groupe d'épidémio-statisticiens, dont Sander Greenland, qui est une grande figure de la discipline, a demandé qu'on retire cette notion de significativité statistique, qu'on ne parle plus de seuil à 0,05 qui dira que votre résultat est statistiquement significatif ou pas. On en revient à ce que disait Ronald Fisher quand il a estimé les valeurs P. Il disait, donnez votre résultat de valeur P, dites si vous avez trouvé une valeur P à 0,02, à 0,10, à 0,25, et ça s'interprète dans le contexte général de votre étude. Ça vous dit simplement la probabilité, en absence d'association, d'avoir un résultat au moins aussi extrême que celui que vous avez trouvé, simplement du fait des variations aléatoires d'échantillonnage. Et c'est comme ça que vous l'interprétez. Mais il n'y a pas un seuil cut-off qui dit c'est significatif ou ça ne l'est pas, ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est l'aboutissement de polémiques dans les journaux scientifiques depuis une dizaine d'années. Eux disent carrément, vous mettez la statistical significance au grenier. Et on revient à ce que ça aurait dû être, ce que, en fait, Ronald Fisher demandait. C'est un indicateur, comme un autre, d'un résultat d'étude. Vous l'interprétez dans son contexte. Alors, je vais aller sur cet exemple qui a été une autre controverse importante et qui concerne le traitement hormonal en post-ménopause. Donc, vous savez que notamment pour la prévention de l'ostéoporose et pour soulager aussi les symptômes de la ménopause, il était proposé des traitements à base d'œstrogènes et de progestérone. Et dans l'accord des infirmières américaines, ils ont pu étudier les effets de ces traitements également sur le risque de cancer et les maladies cardiovasculaires. Ce qu'ils ont retrouvé, c'est que les femmes qui prenaient ces traitements étaient à risque augmenté de, là c'est les current users, plus de 5 ans, ça c'est les current users moins de 5 ans, et c'est ceux qui n'utilisent pas, qui sont la catégorie de référence, et que vous voyez, selon les catégories d'âge, le risque de cancer du sein augmente pour les femmes qui utilisaient ces traitements d'œstrogène et progestérone. Ils ont également regardé le risque de maladie coronarienne, et là, ils ont trouvé en revanche que chez les femmes qui utilisent œstrogène et progestérone, vous aviez une protection qui était associée à ce traitement postménopausique contre le risque cardiovasculaire. Donc des effets qui vont dans les deux sens. Dans un cas, les femmes qui utilisent ces traitements sont à plus grand risque de cancer du sein, mais elles sont mieux protégées contre le risque cardiovasculaire, et donc la balance entre coût-bénéfice n'était pas évidente à faire. Cette question, qui était une question vraiment majeure sur l'utilisation de ces traitements postménopausiques, a finalement été résolue par un essai randomisé qui a eu lieu aux États-Unis, qui s'appelait le Women's Health Initiative et qui était publié en 2002, où là, ils ont montré à partir de 16 000 femmes de 50 à 79 ans sur 40 centres qui ont été tirées au sort pour traitement œstrogène-progestérone versus placebo, les différents risques. Alors, on va dire que ça, c'est maladie coronarienne. Et ce qu'on observe, c'est qu'à l'inverse que ce qui avait été vu dans l'étude de cohorte des infirmières, il y avait un risque augmenté, le placebo est en caractère gras, il y avait un risque augmenté de maladie coronarienne chez les femmes qui prenaient ces traitements postménopausiques. Il y avait également un risque augmenté d'accident vasculaire cérébral, un risque augmenté d'embolie pulmonaire, il y avait un risque augmenté de cancer du sein, en revanche, un risque légèrement diminué de cancer du côlon, et puis le dernier, je ne m'en souviens plus et je ne peux pas le lire, donc vous regarderez la publication. Mais à la fin, il y en a peut-être qui ont meilleure vue que moi d'ici. Fracture du hanche, c'était bien parce qu'on donnait ces traitements pour prévenir les fractures de hanche et l'ostéoporose. Donc je confirme. Et donc ce que cet essai randomisé, et là encore on est d'un niveau de preuve qui est suffisant, hein, qui devient bien meilleur puisqu'on est sur un essai randomisé, montrait, c'est qu'à l'inverse de ce qui avait été vu dans la cohorte des infirmières, eh bien, le risque cardiovasculaire était augmenté chez les femmes qui prenaient ces traitements et non pas diminué. L'explication est venue un peu plus tard d'une ce qu'on appelle des méta-analyses où vous regroupez toutes les études et vous regardez un petit peu comment des résultats groupés sur plusieurs études. Ce qu'on a observé, c'est que les études des Nurse Health Studies, vous l'avez ici avec Francine Grandstein, n'avaient pas ajusté sur le statut socio-économique des femmes dans les études de cohorte. Et toutes les études qui n'ajustaient pas sur le statut socio-économique montraient un risque diminué cardiovasculaire avec les hormones postménopausiques, alors que quand vous ajustiez sur le statut socio-économique, vous n'avez plus d'effet contre le risque cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les femmes qui, dans les études de cohorte, prenaient ces traitements contre les effets de la ménopause, étaient des femmes d'un statut socio-économique plus élevé. Elles étaient peut-être plus au courant, avaient une discussion qui allait un peu plus loin avec leur gynécologue sur des choix possibles pour le traitement de la ménopause, etc. Et qu'elles adoptaient ce traitement donc de hormones postménopausiques. Mais parce qu'elles faisaient partie d'un statut socio-économique plus élevé, elles avaient en parallèle d'autres pratiques qui les mettaient moins à risque sur le risque cardiovasculaire. C'était donc un effet de confusion. Donc c'était des femmes qui avaient peut-être une alimentation de meilleure qualité, qui ne fumaient pas, plus d'exercice, Dès que vous ajustez pour le statut socio-économique, l'effet protecteur cardiovasculaire disparaît. Donc aujourd'hui, on sait maintenant que ce traitement hormonal augmente le risque cardiovasculaire et cancer du sein, et ça a considérablement modifié sa prescription. Donc ces études ont été extrêmement importantes. Mais c'est pour vous montrer que ces grandes études de cohorte, comme la cohorte des infirmières, même si vous avez 250 000 personnes années de suivi de femmes pendant 10 ans, peuvent parfois vous induire en erreur sur des effets de confusion de ce type-là, et que l'essai randomisé peut rattraper le tir quand il est réalisable. Autre exemple dans la même veine, c'est les bêta-carotènes que vous avez dans les fruits et légumes, qui sont considérés comme des antioxydants, qui peuvent protéger, donc qui peuvent être anti-athéromateux, qui dans beaucoup d'études ont été montrés comme protecteur contre le risque facteur cardiovasculaire. Dans les essais randomisés où il a été possible de les donner en pilule, hein, puisque les bêta-carotènes, c'est des vitamines que vous pouvez donner en pilule, quand vous les avez données en essais randomisés, plus d'effets protecteurs contre le risque cardiovasculaire. Et l'interprétation générale qui en est donnée aujourd'hui, c'est que dans ces grandes cohortes, les gens qui mangent beaucoup de fruits et légumes, qui avaient donc des concentrations de bêta-carotène plus élevées, etc., c'était des personnes qui étaient aussi plus soucieuses de leur santé, hein, ce qu'on appelle « health conscious » en anglais, et qui, en parallèle, fumaient moins, faisaient plus d'exercice, etc., etc., etc., étaient donc à moindre risque cardiovasculaire. Des effets de confusion que les méthodes d'ajustement statistique n'arrivaient pas à contrôler complètement et que seul l'essai randomisé a révélé. Donc là aussi, attention sur le risque cardiovasculaire et sur les études de cohorte quand vous avez ces effets de confusion. Aujourd'hui, il y a un domaine sur lequel on a un petit peu progressé quand on ne peut pas faire des essais randomisés, qui est ce qu'on appelle la randomisation mendélienne et qui tire parti du fait que certains de nos comportements peuvent être mimés par des variants génétiques. L'avantage des variants génétiques, c'est qu'au moment de la conception, ils sont tirés au sort par la mère nature et répartis équitablement, au point que vous êtes comme si vous aviez fait un tirage au sort dans les essais randomisés que je vous ai présentés. Simplement, c'est la nature qui s'en charge et pas l'investigateur. Et cette propriété a été mise à profit à propos de la polémique sur consommation d'alcool et mortalité. Alors, je suis vraiment désolé parce que les épidémiologistes passent leur vie à vous dire de faire de l'exercice, de bien manger, de ne pas fumer, etc. On est quand même assez rasoir dans l'ensemble. Il restait un domaine sur lequel on se disait un verre de vin par jour, eh ben, les études d'épidémiologie, elles vous montrent que ça fait du bien. Et effectivement, les grandes cohortes en épidémiologie vous montrent qu'un verre par jour, ici vous avez la consommation d'alcool, donc ça c'est hebdomadaire, mais ça correspondrait à peu près à un verre par jour. Par rapport à la mortalité, toute cause, aux causes associées à l'alcool, aux maladies coronariennes, etc., vous avez cette courbe qu'on appelle une courbe en J, où les sujets qui ne boivent pas du tout ont une mortalité un peu supérieure, des sujets qui boivent un verre par jour, et puis après ça se gâte quand vous buvez plus. Et donc voilà, c'était le petit domaine préservé. D'ailleurs, si c'est un vin de Bordeaux, c'est meilleur. Et c'est une justification que j'ai longtemps utilisée et je ne vous dirai pas si j'ai changé mes comportements depuis. Mais comment ça pouvait s'expliquer? Alors, soit l'alcool a effectivement un effet bénéfique. Et là, on trouve toujours un modèle biologique pour vous dire que ça peut avoir un effet anti-athéromateux, c'est très bien. Donc ça explique pourquoi un verre d'alcool par jour a un effet bénéfique sur la mortalité. Autre possibilité, les sujets qui sont ici qui ne consomment pas d'alcool du tout seraient peut-être des sujets qui ont des maladies graves ou enfin, des comorbidités et qui font que leur médecin leur a dit « vous ne buvez absolument pas ». Et du coup, ils sont plus à risque de mortalité parce qu'ils ont ces maladies associées et c'est ce qui explique leur mortalité plus élevée, mais c'est parce que voilà, c'est chez eux un groupe très particulier de gens qui avaient des comorbidités. Dernière explication, les sujets qui ne boivent qu'un verre d'alcool par jour, c'est ceux qui font tout bien. Ils respectent toutes les recommandations, donc ils ne vont pas fumer, ils font exactement l'exercice qu'il faut, ils vont manger les fruits et légumes. Ils cochent toutes les cases. Et je rentre un peu là-dedans, moi. Et un verre de vin par jour, très bien, je suis les recommandations des études épidémiologiques, etc. Pour tester cette hypothèse, eh bien, les investigateurs ont réuni un consortium de 56 études, 270 000 participants, 20 000 sujets qui ont fait des maladies coronariennes, 10 000 qui ont fait des AVC, et ils ont regardé un variant génétique qui code pour une enzyme qui, quand vous êtes porteur du variant génétique, vous entraîne à avoir une consommation plus faible et une dépendance plus faible à l'alcool. Et chez ces sujets qui ont hérité de ce variant génétique, et là, le tirage au sort il a été fait par la nature, eh bien, le risque de maladies coronariennes et d'AVC ischémique est plus faible, et ça veut dire que le risque de l'alcool il démarre à la première dose d'alcool, quoi. Donc, sur ces études de randomisation mendélienne aujourd'hui, on est revenu un peu en arrière sur les vertus d'un verre de vin par jour pour dire que, malheureusement, le risque commence dès le début de la consommation d'alcool. Et ces études de randomisation mendélienne sont de plus en plus utilisées maintenant. Il y a une très grande base de données en Grande-Bretagne qui regroupe 500 000 sujets pour qui le génome a été entièrement séquencé et qui sont suivis par leurs dossiers médicaux électroniques. C'est ce qu'on appelle la UK Biobank Cohort et qui maintenant est en train de répondre à beaucoup de questions, en partie, mais de façon un peu marginale, grâce à ces outils de randomisation mendélienne. Alors, je vais terminer cet exposé avec les expositions environnementales qui sont parmi les plus difficiles pour nous, épidémiologistes, à traiter. Donc, les expositions environnementales, c'est des agents physiques, chimiques, biologiques que vous trouverez dans l'air, dans l'eau, dans les sols ou dans l'alimentation. Sont très difficiles à mesurer. Autant il est relativement facile quand vous interrogez quelqu'un de savoir quelle est sa consommation tabagique passée. Hein, vous demandez vous fumez oui, non, si vous fumez oui, depuis combien de temps, combien de paquets par jour, etc. En 5-6 questions, vous arrivez à peu près à cerner combien de cigarettes une personne a pu consommer pendant sa vie. C'est pas juste, mais c'est quand même une approximation qui est très correcte. En revanche, l'exposition aux agents physiques, tout ce qui peut passer par la pollution atmosphérique, par votre alimentation, etc., est extrêmement difficile à mesurer. En plus, ces expositions sont multiples. Hein. Quand on parle des insecticides, des herbicides qui aujourd'hui font de l'actualité, c'est des expositions simultanées possibles à 10 herbicides ou 30 insecticides différents. Et comment pourriez-vous faire la part des choses ? C'est quasiment impossible. Il y a quelquefois des effets synergiques entre ces polluants qui peuvent augmenter leur effet quand ils sont présents conjointement ou au contraire avoir des antagonismes et diminuer leur effet. Il y a une latence de l'effet entre le moment où vous êtes exposé et le moment où les effets vont se réaliser. Si on parle de cancer, c'est plutôt 20 ans que 3 ans. Et si on parle de perturbateurs endocriniens, c'est votre exposition quand vous étiez dans le ventre de votre mère qui compte. Donc l'étude qui permettra de révéler 20 ans plus tard les résultats sont très difficiles à mettre en place. Et puis, on parle d'effets très faibles. Hein, c'est vraiment des augmentations de risques qui sont peu importantes, donc qui demandent des tailles d'échantillons gigantesques, qui restent importantes en santé publique parce qu'on pourrait tous exposer. Hein, quand on parle de pollution atmosphérique, on est donc même une augmentation faible au niveau individuel, si elle concerne des millions d'individus, elle va avoir un impact en santé publique. Donc tout ça, quand même, rend ces études extrêmement difficiles. Alors, une des façons de, je dirais pas contourner, enfin, le problème, mais de l'aborder en tout cas, a été de regarder les expositions professionnelles. On a quand même beaucoup appris par les personnes qui sont surexposées dans leur milieu professionnel et le type d'études qui ont été faites. Il y a ici un exemple dans l'Ohio sur le benzène et les leucémies. Eh bien, ils ont fait une cohorte rétrospective de 748 ouvriers exposés au benzène. Alors, ils l'ont fait de façon rétrospective. Quand ils sont arrivés, ils sont retournés dans le registre de l'employeur. Ils ont déterminé les moments où les sujets étaient recrutés. Et ils ont récupéré tous les dossiers médicaux qui les concernaient, peut-être la médecine du travail, jusqu'en 75. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent, par exemple, pour les leucémies, le nombre de décès par leucémie observés chez les ouvriers qui étaient exposés, c'était 7, et ils calculent le nombre de décès attendus en appliquant à leur population d'ouvriers les taux standardisés pour l'âge et le sexe, mais là, il ne s'agissait que d'hommes, donc les taux standardisés pour l'âge de la population générale américaine. Et donc, vous avez votre cohorte d'individus, vous savez quels âges ils ont, vous leur appliquez les taux nationaux, vous vous dites sur la base des taux nationaux que vous devriez voir 1,4 leucémie, et chez ceux qui étaient exposés au benzène, vous avez 7, ça fait un ratio de 5, et donc vous avez une augmentation forte du risque de leucémie chez les sujets exposés au benzène. Donc ça, c'était un exemple d'étude. Il y en a eu d'autres depuis. Je vous cite ici des radiations ionisantes pour scanners et cancers pédiatriques hein, qui étaient faits en Grande-Bretagne, où ils ont repris des dossiers d'enfants qui étaient dans les centres du National Health Service. Et suivis, ils ont vu que sur les irradiations reçues pendant les scanners qui étaient prescrits pour des causes qui étaient non cancéreuses, eh ben, vous avez une augmentation du risque de leucémie ou de tumeur cérébrale qui est proportionnelle à la dose reçue. Et ça, ça a permis de réglementer la façon avec laquelle on faisait les scanners chez les enfants. Alors, je vous rassure, c'est des tumeurs rares, donc des augmentations de risque peuvent être assez importantes ici, mais ça reste un événement rare. Hein. On n'est pas sur des cancers fréquents. Il n'empêche qu'il était très important de le réglementer. Alors, dans la série des études sur pesticides, je voulais citer une équipe française hein, qui a travaillé sur la maladie de Parkinson et qui a fait une étude cas témoin avec 224 sujets atteints de Parkinson et 557 sujets qui étaient au même bureau de caisse d'assurance, à qui ils ont administré des auto-questionnaires, puis ils sont allés vérifier avec le médecin de la caisse, visiter les fermes. Donc, ils ont vraiment fait un travail sur l'exposition aux pesticides importants et ils ont montré une relation qui, aujourd'hui, est acceptée et établie entre maladie Parkinson et exposition aux pesticides. Donc, vous voyez ici, pour ceux qui n'étaient pas exposés, par rapport à ceux qui étaient exposés moins que la médiane et plus que la médiane, l'augmentation du risque de Parkinson et qui, donc, ici, est bien démontrée. Sujet d'actualité extrêmement brûlant qui est celui du glyphosate, hein, dont vous avez tous entendu parler, glyphosate et cancer. Là encore, c'est dans les sujets exposés qu'on trouvera les meilleures données. Il y a 3 grandes cohortes qui sont en cours. Je vous montre les premiers résultats sur lesquels on était basé. Et il y a 15 jours, il y a une nouvelle publication que je vais vous présenter. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y avait eu 5 études cas témoins qui associaient le glyphosate avec des lymphomes non hodgkiniens. En parallèle, il y avait aux États-Unis une très grande cohorte qui est suivie par le NIH, 50 000 agriculteurs, qui était suivie depuis 1993-97. et chez qui ils avaient un questionnaire sur l'utilisation du glyphosate et pour lesquels 7290 cancers avaient été diagnostiqués. Et quand vous regardez l'ensemble du papier qui a été publié l'année dernière, par rapport au cancer ou par rapport au lymphome non Hodgkinien, il n'y a absolument aucune augmentation de risque dans le papier de la Agricultural Health Study américaine. Il y avait 10 000 sujets qui n'avaient jamais été exposés au glyphosate, et les 40 000 restants étaient exposés à des degrés différents. Et là, vraiment absolument rien. Et là, il y a 15 jours à peu près, un papier est sorti mettant ensemble trois cohortes, une cohorte française, une cohorte norvégienne et toujours la même cohorte américaine. Donc vous voyez qu'on est à des effectifs quand même de très importants. Ça, c'est les personnes années cumulées par l'ensemble de ces individus. Ils ont regardé des pesticides, des ingrédients actifs, etc. Sur lymphome non Hodgkinien, qui était celui qui avait été détecté par les études cas témoins, on retrouve rien. Mais si on prend un sous-type de lymphome non Hodgkinien, qui est le lymphome diffus à grande cellule B, la cohorte norvégienne retrouve une association que ne retrouve pas la cohorte française ou américaine. Mais quand on fait une méta-analyse des trois, les trois résultats sont dits compatibles. Il y a une augmentation de risque qui est à la limite des fameux 5% de la significativité statistique. Voilà. Après, quand on regarde le nombre de comparaisons qui sont faites, on peut s'interroger sur un résultat isolé à la limite de la significativité. Dans le même papier, vous verrez d'ailleurs qu'il y a deux effets protecteurs. Il y a des insecticides qui ont des effets protecteurs contre des cancers. Il y a cinq effets en fait qui sont révélés par le papier. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Mais là, c'est vraiment les papiers les plus solides dont on dispose aujourd'hui sur le glyphosate. Donc, si vous vous intéressez au sujet, lisez ces papiers. Vous aurez aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, ce qui chez l'homme, nous paraît le mieux documenté. Après, il y a les études animales, il y a la génotoxicité des études animales, où là, il y a effectivement des effets nets qui ont été observés, ce qui explique pourquoi le CIRC a mis en cancérigène probable le glyphosate. Les agences européennes ne l'ont pas fait. Mais c'est important de retourner à ces papiers, et j'espère qu'avec les éléments d'épidémiologie que je vous ai donnés, vous serez en mesure d'avoir un peu de recul et de lire et de comprendre ce type de publication. Je vous remercie pour votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Arnaud Fontanet, son cours intitulé « Histoire de l'épidémiologie, succès et limites, partie 2 ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Arnaud Fontanet. Je vous recommande également la vidéo complète de ce cours et les éclairants documents qui l'accompagnent. La leçon inaugurale d'Arnaud Fontanet va être publiée chez Fayard prochainement. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Lundi, je vous propose d'écouter la rediffusion de la série de l'économiste Philippe Aguillon, Théorie et politique de la croissance. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.